famille n'était qu'à mourir unissant. Mais un beau jour, un de nos oncles bêtes et cons eut la brillante idée de proposer de faire à chaque année un maudit échange de cadeaux. Un maudit échange de cadeaux. Quand vient janvier avec ses grands froids superflus, on se réjouit tous d'avoir survécu à ce rituel sacré pauvre en contenu, supposément tant attendu, toujours bienvenu, consistant à offrir babioles et cochonneries. Par exemple à ma sœur, reine de l'écologie, qui voulait un machin pour faire du compost dans son lit. Calculant l'essence que j'ai dépensée pour trouver cette belle rareté, cela cause un taux de pollution assez haut pour menacer le protocole de Kyoto. Le maudit échange de cadeaux. Le maudit échange de cadeaux. Arrive juillet, le mois qui sue, on se souvient plus de cette corvée Noël dernier, on a préféré l'oublier. Un souvenir vient parfois me hanter. Je me rappelle mon oncle, cet homme sage, qui avait offert à sa femme des sessions de massage. Oh, comme c'était romantique! Il a trouvé cela fort sympathique. Sauf le jour où sa femme est partie avec le masseur. Depuis ce temps, il se meurt de douleur et il chante. Le maudit échange de cadeaux. Le maudit échange de cadeaux. J'aurais beau de toutes mes forces le maudire, décembre finira bien par revenir. Cette année, qu'est-ce que je pourrais bien tous leur offrir? Une bombe, tiens, pourrait peut-être les calmer. Mais non, ils diront waouh, comme c'est sauté. Je serais mieux de disparaître, me sauver, que d'endurer leur multiple imbécilité. Me faire passer pour mort, vivre ailleurs et déguisé. Qu'est-ce que je ferais pas pour éviter? Qu'est-ce que je ferais pas pour manquer? Le maudit échange de cadeaux. Le maudit échange de cadeaux. Le maudit échange de cadeaux. Le maudit échange de cadeaux. Le maudit échange de cadeaux. Le maudit échange de cadeaux.